Urban, ne pensez-vous pas que vivre sur Terre est avant tout un grand cimetière, avant d'être une ossature pour les générations futures? Il est vrai que l'on est jamais moins sûr de continuer à exister. Les générations passées ont bâti, forgé, nous ont pensé, ils ont existé. Avant que tout s'arrête, nous ne sommes qu'un sillage en fait. Maîtresse, cessez de penser à la nuit. Même si le bateau coule, des pensées délétères au fond des mers. Le capitaine et ses moussaillons battent toujours pavillon. Au fond. Moi, non, mais toi, oui.